Que ce soit Londres ou New York, il se passe quelque chose pour deux amours qui naissent. Une vie va disparaître. Que ce soit Paris ou Bangkok, fleurit une rose. Un rayon de soleil va se lever.